Pourquoi y a-t-il de l'inimitié ? À chaque fois que nous sommes l'objet d'un acte que nous appelons hostile, d'un des mots qui désigne l'ennemi, hostis en latin, à chaque fois donc que nous sommes l'objet d'un acte hostile, d'un acte de malveillance, nous sommes ébranlés au fond de notre être même. Mais il faut examiner la nature de cet ébranlement. Jusqu'où va-t-il ? En quoi consiste exactement cet acte inamical, cette révélation d'une dimension d'hostilité chez certains êtres envers nous, et jusqu'où peut-il aller? L'acte négatif de quelqu'un à notre égard est toujours une violence. On peut même appeler violence ce qui vient contredire notre être, notre volonté d'une manière générale et avec des degrés de force diverses. Mais en réalité, l'acte hostile, l'acte inamical dans sa dimension profonde est l'acte qui vient rompre ou empêcher de naître une autre relation, son contraire, qui est l'amitié, laquelle est une des conditions de nos vies. Il y a donc deux dimensions encore à distinguer de l'acte inamical, ou de l'hostilité, ou de l'inimitié, qui viennent nous ébranler peut-être au plus profond. D'abord, il y a, au fond, dans l'acte inamical, non seulement un acte négatif, à notre égard, violent, une sorte de négation de tel ou tel, de nos intérêts, mais ce que nous sentons comme inamical, c'est une intention générale de nous nuire. C'est un rapport négatif non seulement à tel ou tel de nos intérêts, par exemple dans la concurrence, dans la compétition, mais c'est le refus même de notre existence. Ainsi, Paul Ricoeur désignait-il les proches, peut-être les amis en général, comme des êtres qui approuvent notre existence. Et on peut désigner comme des lointains ou comme des inamicaux, peut-être bientôt comme des ennemis. Les êtres qui, en effet, critiquent notre existence veulent peut-être aller jusqu'à nous anéantir, car ils refusent non pas tel ou tel aspect de notre être, une compétition partielle, mais la singularité de notre être même. C'est pourquoi nous sentons dans l'inimitié quelque chose de très profond qui contient virtuellement la haine, de même que l'amitié contient virtuellement la signification de l'amour. L'amour comme étant l'absolu, que la relationnalité et la relation l'activité de l'amitié peut révéler et cacher à la fois, car il y a entre eux une véritable distinction. C'est pourquoi l'inimitié est le spectre caché au fond de toute relation et de toute amitié possible, et est le secret aussi des relations humaines et vient mettre en cause notre existence. C'est pourquoi aussi l'amitié doit être préservée contre tous les risques de l'inimitié possible qui logent en elle, les risques de trahison, les risques de négation, de la relation qui est toujours fragile parce qu'elle contient son contraire en elle. Le comble de l'inimitié, c'est quand elle surgit dans l'amitié elle-même, quand l'amitié se transforme en conflit comme l'amour peut se transformer en haine. Ainsi, il y a tous les degrés qui viennent ébranler de façon diverse notre existence. Pourquoi y a-t-il de l'inimitié ? Nous en sommes toujours ébranlés, il faut pourtant l'admettre, en admettre la possibilité, construire suffisamment d'amour et d'amitié pour supporter le degré d'inimitié que la vie comporte, mais devant laquelle nous sommes toujours sidérés, indigné et peut-être malgré tout toujours un peu ébranlé.